Alors, comme nous l'avons déjà vu, la plupart des mots qui finissent en « i » ou « n » en français ont la même terminaison en espagnol. Et les mots en « ti » ou « n » en français finissent en « ci » ou « n » en espagnol, comme « condition » qui se dira « condition ». Condición, condición. Et la condition. La condición. La condición. Une condition. Una condición. Una condición. Et quelle condition? ¿Qué condición? C'est ça. ¿Qué condición? Et comment dit-on réservation? Réservation. Ce n'est pas réservation, mais ré. Ah, serba. Oui, réserva. Réserva, c'est ça. C'est une exception. Il y a donc beaucoup de mots français en acion qui sont semblables en espagnol, avec la terminaison en acion. Mais bien sûr, il y a des mots qui sont différents dans les deux langues, comme sur les cas de réservation, reserva. Alors, encore une fois, réservation. Reserva. Reserva, d'accord. Mais le V se prononce comme un B. Hein? Reserva. C'est réservation. Et la réservation se dit la reserva. La reserva. Et une réservation. Una reserva. Una reserva. Et quelle réservation? Que reserva. Que reserva, oui. Comment direz-vous j'ai besoin de la confirmation de la réservation? Le mot pour dire de est tout simplement de, hein, qui s'écrit comme en français, mais se prononce de. Alors, j'ai besoin se dit necesito. Necesito, oui. La confirmation. La confirmation. Oui. De la réservation. De la reserva. C'est ça. Necesito la confirmación de la reserva. Et j'ai besoin d'une confirmation de la réservation pour ce soir. Ça sera necesito una confirmación de la reservación de la reserva de la reserva, oui, pour ce soir. Para esta noche. Bien. Donc, j'ai besoin de necesito la confirmación de la reservación, la confirmación de la reserva pour ce soir. Para esta noche. Et quel est le mot pour dire information? Information? Attention, écoutez bien. Information. Alors, comment direz-vous quel type d'information voulez-vous? Pour dire quel type, hein, type, c'est tipo. Tipo. T-I-P-O. Ça s'écrit avec un I et non un Y. Alors, quel type d'information voulez-vous? Se dira. Que tipo? Que tipo? Hein, quel type de? De. Oui. Alors, que tipo de information? Information. Attention, il faut insister sur la dernière syllabe. Information. Alors, que tipo de información voulez-vous? Quiere. D'accord. Donc, quel type d'information, quel type d'information voulez-vous? Quiere.